Je reste seule avec mes questions sans réponse, avec celles que j'invente dans mes songes, avec tes pourquoi, t'es pas là, pourquoi tu reviens pas, pourquoi je suis si seule, avec le piano qui me console, avec ce qu'on n'apprend pas à l'école, avec des pourquoi, t'es pas là, pourquoi tu reviens pas. Mais j'ai toujours dans la tête les derniers mots que tu m'as dit, toujours cherchant sans se relever le mal infini, toujours je sens mon cœur crier ton nom dans la nuit. C'est fini. Tu me manques malgré la colère. Je respire plus, je voudrais tout foutre en l'air. Et ce manque qui traverse ma chair, j'en veux plus, je laisse ton souvenir m'en défaire. Enfin seul, avec le manque de toi qui me ronge, avec mes ressentis comme éponge, avec tes pourquoi, t'es pas là, pourquoi tu reviens pas, pourquoi, mais pourquoi seul, avec ces histoires qui me rendent folle, avec toujours les mêmes paroles, avec des pourquoi, t'es pas là, pourquoi tu reviens pas. Mais j'ai toujours dans la tête les derniers mots que tu m'as dit, toujours cherchant sans se refaire le film à l'infini, toujours je sens mon cœur crier ton nom dans la nuit. C'est fini. Tu me manques malgré la colère. Je respire plus, je voudrais tout foutre en l'air. Et ce manque qui traverse ma chair, j'en veux plus, je laisse ton souvenir m'en défaire. C'est comme ça, je dois vivre avec des trous dans la tête. Je comprends pas, les souvenirs se mélangent, c'est trop bête. Je me demande ce que tu vois si tu me regardes par la fenêtre. Réponds-moi, réponds-moi. C'est comme ça, je m'accroche aux souvenirs, au passé. Je te revois me sourire comme quand c'était l'été. Je me rappelle pas, j'oublie des bouts de toi. Tu me manques. Je respire plus. Et ça manque. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus.